Voilà, c'est l'intempestive. Et aujourd'hui, dans l'intempestive, c'est la deuxième partie d'un documentaire sonore réalisé avec Guillaume Yeom sur la situation des migrants à Calais. La première partie est toujours écoutable sur www.intempestive.net. On y a entendu les Afghans de la jungle nous parler de leurs conditions de vie et les bénévoles de l'association Salam évoquer leur soutien aux migrants. It's very important to clean, please. It's very important to take your blanket and to put your blanket black near me, please. So after we can clean, okay? Please help us if you want, but you can come back this night, please. Many thanks. Le samedi 13 décembre au matin, on s'est rendu dans la salle vide du BCMO que la mairie avait daigné ouvrir aux migrants après plusieurs jours de grand froid. On y a retrouvé les gens de Salam, à qui la mairie avait confié la responsabilité de cet hébergement. Il restait une cinquantaine de personnes dans la salle. D'un côté les Afghans, de l'autre les Africains, et au milieu quelques SDF français. Les bénévoles servaient un petit déjeuner et faisaient une distribution de vêtements. On a d'abord discuté avec Vincent Lenoir. Il y a aussi des SDF français qui sont venus passer la nuit ici. Oui, je me rends compte. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas de... Sinon la municipalité n'aura pas de salle, pas de soucis dans les en fait, là, quand on est au niveau 2, la municipalité n'a pas d'obligation de faire quoi que ce soit. Il y a le dispositif du 115, où il y a un certain nombre de places à Calais. Mais bon, ça convient pas à tout le monde, il y a des personnes qui préfèrent pas rentrer dans ce genre de dispositif-là. Donc du fait qu'il y avait la salle là qui était ouverte, ça c'est une volonté de la municipalité, et un engagement qu'elle avait pris vis-à-vis de nous, conseil des migrants. Et donc, on a pu bénéficier de l'ouverture de cette salle. Parce que d'habitude, cette salle, elle sert à... Alors, c'est une salle qui sert à une association qui a diverses activités. Ils font du badminton, du tennis de table, etc. Mais ce n'est pas une salle municipale. C'est une salle qui appartient au conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a un accord entre la région et la ville pour que la salle puisse être utilisée en cas de besoin. C'est la première fois que ça se produit ? Non, ça s'est déjà produit sous l'ancienne municipalité, mais un peu hors convention, sous la force, il avait fallu défoncer la porte pour pouvoir rentrer, etc. Mais que la différence, c'est que cette fois-ci, tout ça, ça a été préparé, et on a un protocole, et on n'allait pas à l'improvisation. Tout avait été convenu d'avance, donc c'est vraiment beaucoup plus simple pour les bénévoles, beaucoup plus apaisé. Et puis, donc, pour les migrants, c'est vraiment un bénéfice qu'ils en tirent. Quoi. Parce que la première fois que vous aviez été obligé de défoncer la porte, ça a eu des conséquences pour les associations ? Alors l'année dernière, en fait, c'était au démarrage, c'était l'église qui avait ouvert une salle, et un peu sous la pression, c'est le maire de l'époque qui avait défoncé la porte pour nous ouvrir la salle. Ouais. Alors qu'il y avait plein de salles municipales qui auraient pu être ouvertes, hein, mais bon, il a voulu faire un coup médiatique. Quoi. Oui, parce qu'il y avait des journalistes à ce moment-là, il y avait des journalistes. Oui. Bon, alors, tu veux tout maintenant ? Vas-y voir. Tu t'emballes les marches ? Vas-y voir. Bon, bah écoute, il sait pas, alors. Il fait d'un or, hein ? On dirait une bonne femme dans un magasin. Oula ! Il y a des trucs beaux. Allez, je crois. Allez, on va déjà donner un bonnet. Tu veux pas de ça? Pardon, excuse-moi. Ça, c'est à mettre à. Déjà les bonnets, tu côté. What country do you come from? From Eritrea. Eritrea? Yeah. Je discute avec un Érythréen. Difficult to live here because very cold. Very cold. And the police? Police also deserves us. They can take from our sleeping bed to station. Police station is. Il dit, c'est très difficile de vivre ici. Il fait très froid. Puis il y a la police. Ils viennent nous chercher jusque dans notre lit pour nous emmener au commissariat. Ils prennent notre nom et nos empreintes. Et puis ils nous relâchent, il faut revenir à pied depuis le commissariat. And we are also trying always to England, but it is difficult. Hello. On essaye tout le temps de passer en Angleterre, mais c'est dur. Aujourd'hui, j'ai pas essayé de passer, mais ça fait 2 mois que je suis là et que j'essaye. Have you been in Calais? For 2 months. 2 months? Okay. We're trying on the truck? On the... Yeah, truck is entering to the car. On essaye de monter sur les camions, dans les voitures, mais là on n'a pas réussi. But we didn't succeed. Why did you leave? Je demande pourquoi il est parti d'Érythrée et il me dit. Eritrea because there is, it is not comfortable because there is war. Also religion problems, religion. That's why we leave. L'Érythrée c'est difficile, il y a la guerre, puis il y a des problèmes religieux. C'est pour ça qu'on est parti. Non, no family here. They are in Eritrea. Ma famille est restée en Érythrée, je suis tout seul ici. But mais mon frère est en Angleterre, c'est pour ça que je veux aller en Angleterre. There is my brother in England. That's why I'm going to him. And did you have a il work me dit qu'il était Eritrea? Étudiant en Érythrée. Did you have a job? No, I was a student. Yeah. In what? Et qu'en Angleterre, c'est ce qu'il veut continuer à faire, étudier. Il me dit qu'il a 18 ans, qu'il n'a pas encore choisi quel métier il voulait faire. I want to study. I want to continue my education and take one field and work okay. To our life. You haven't chosen the field yet? Yeah. Okay. How old are you? I'm 18. Je lui demande ce qu'il pense de la situation à Calais, il me dit c'est difficile. Oh, it is difficult, but since we want to go to England, you have to try day and night, but it's difficult. Et de toute façon, si on veut aller en Angleterre, il faut qu'on essaye jour et nuit. So difficult, or what do you think of this? Yeah, they have told the telephone it is difficult, but. No choice, you have to come through this way. Ils nous ont prévenu au téléphone que ce serait difficile, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. On est obligé de passer par là. Je lui demande pourquoi il ne veut pas demander l'asile en France. You can ask, but there is problem, language problem. Because France language difficult. It is better to learn with English because in our country also we learn with English. That's why we chose to England. Il me dit oui, on pourrait, mais il y a un problème de langage. Le français c'est difficile. Et puis à l'école chez nous, on apprend l'anglais. C'est pour ça qu'on choisit d'aller en Angleterre. But France is also good, no problem. Mais la France est un bon pays, il y a pas de problème. Okay. Thank you. Okay. On le sent fatigué et abattu un peu. Hein. Oui, bah, ça fait apparemment 2 mois qu'il essaye de passer. Et là, son visage, on voit que. Ouais. Il en a bavé. Hein. Mais t'en as déjà, non, t'en you have. Oh, ils ont tous eu un. Oui, il veut un truc. Ah, mais je sais pas. Celui-là, super. Il est épais. Wool, it's wool. Non, tu veux quoi, toi? Bah oui, mais il veut un petit. Avec un col roulé. Oh, good. C'est un gilet. Il veut. C'est pas grave, c'est chaud, on a gardé ça. Somebody? Non? Bon. Lui, il veut. Nike ou rien du tout. Bah, t'as déjà eu un bonnet. Il est dans sa poche, il fait plus de moi, là. Donc vous, vous êtes militant, Jean-Claude Lenoir, vous êtes militant à Salam. Et là, récemment, vous avez été, vous avez subi une garde à vue assez longue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Disons que j'ai subi, entre guillemets, 24 heures de garde à vue. Uniquement parce qu'on était sur les lieux d'arrestation. Il faut savoir que pendant plusieurs nuits, il y avait 200 policiers, des chiens, et même un hélicoptère avec des torches lumineuses qui poursuivaient les migrants et notamment des jeunes entre 14 et 18 ans. Et donc notre association, en fait, quand il y a des actions de ce genre-là, on essaye de suivre au plus près pour éviter les dérapages et aussi pour avoir des photos et dénoncer ce qui se passe. Quoi. Parce que les gens, même sur le territoire français, mais même localement, ne s'imaginent pas ce qu'on fait avec l'argent du contribuable. Quoi. Pour suivre des gamins de 14 ans dans de telles conditions, en dépensant autant d'argent, en jouant à la guerre, avec des détonations d'ailleurs, c'est quand même tragique, c'est scandaleux. Et la France pourra au moins se garder de telles actions. Quoi. Donc on s'approchait de temps en temps, il y avait des périmètres de sécurité. Nous, comme on connaît la ville et sa petite banlieue, bon, bah, on déjouait un peu tout ça, puis on s'en approchait. Et la presse était interdite en fait. La presse était refoulée à 500-600 mètres des barrières de sécurité. Et nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est quand il y a des gens, des médias qui sont intéressés pour venir, eh ben, on essaye de les y conduire pour qu'ils se rapprochent et qu'ils puissent prendre des photos pour témoigner en fait. Et donc ça a certainement agacé le sous-préfet. Et donc à un moment donné, bêtement, je me suis un peu écarté du groupe et je me suis fait vraiment violenter par des policiers, mais vraiment violenté. Hein. Et je me suis retrouvé torse nu à 1h du matin et tout, enfin bon, menotté, etc., emmené au poste de commissariat. Et puis j'étais mis en garde à vue avec, pour finalement être en comparution immédiate, dont le motif en fait a changé 5-6 fois dans la nuit. Quoi. En fait, quand il m'interrogeait, mais après j'ai plus répondu parce que je me rendrais compte de la supercherie. En fait, l'objectif c'était de s'adapter à ce que je disais quoi, au plus près. Quoi. Voilà, c'est vraiment tragique. Quoi. Bon, après, ma petite histoire n'est pas hyper importante, mais ça montre bien dans quel contexte on vit. La soi-disant justice, le procureur, la police, tout est de connivence pour pas respecter la loi et puis aussi faire une atteinte quand même grave aux libertés fondamentales, à la presse. C'est vraiment... Et là, tout le monde est d'accord, main dans la main. Quoi. Mais là, vous avez parlé d'hélicoptères et tout ça. Est-ce que vous pouvez décrire un peu justement le comportement de la police vis-à-vis des exilés ici? C'est un harcèlement continuel. Alors, dans 80%, 90%, ça se passe relativement calmement. Quoi. Néanmoins, pendant toute la nuit, dès le matin 7h, c'est un harcèlement perpétuel pour qu'ils soient en climat d'insécurité. Quoi. C'est fou. Et donc, il y a des périodes encore plus fortes, comme cette semaine-là en question, où il faut quand même voir 200 policiers, des chiens policiers, avec la muselière enlevée, un hélicoptère qui traque les gens. Enfin, j'ai jamais connu la guerre, mais je m'imagine que c'est un spectacle de guerre. Quoi. Mais là, c'était quoi l'objectif de ce dispositif-là, à ce moment-là? Alors, l'objectif officiel qui est arrivé après, c'était lutter contre les mafias, contre les passeurs, mais dans des zones où il n'y a pas de mafias, il n'y a pas de passeurs. Et tout ça pour arrêter 5-6 migrants, en fait, au bilan de la nuit. Et des migrants qui n'étaient même pas reconductibles, qu'ils ont dû relâcher, en fait. L'objectif inavoué, c'est créer un climat de harcèlement tel qu'il s'en aille plus loin, et aussi pour exaspérer la population calaisienne, je pense. La population calaisienne, une population pauvre, mais vraiment digne. Et autant pour la majorité des gens, ils sont pauvres, et puis ils se disent, bon, bah, on ne peut pas faire grand-chose pour les migrants, mais eux sont malheureux, nous on est malheureux, même galère, quoi. Et en fait, ça ne plaît pas aux autorités. Et en fait, il y a cette police qui déferle sans arrêt dans la ville, qui court dans la ville, qui ça, a aussi comme objectif, moi j'en suis persuadé aujourd'hui, que ça gêne tellement la population, que la population, elle rende les migrants responsables de ce manque de tranquillité, en fait. C'est vrai qu'on peut penser que les mafias, les passeurs, soient des violences. Mais la plus grande violence, et vous pouvez leur demander qu'ils connaissent, c'est ce harcèlement perpétuel, quoi. C'est ne pas avoir une minute de liberté. Et cette nuit, ce qui est bien, c'est qu'ils ont été tranquilles. Pendant 10-12 heures, ils savaient que la police ne pouvait pas intervenir. Quoi. C'est ne pas avoir une seconde de répit, c'est la pire des violences. Quoi. Moi, je crois que ce qu'ils ressentent, et d'ailleurs ils le disent, hein, c'est ce harcèlement policier et c'est ce manque d'hygiène. Quoi. Le reste, eh bien, ils sont capables de ne pas manger. Bon, c'est tragique, hein, mais ils sont capables de ne pas manger, ils sont capables d'être habillés avec ce qu'ils peuvent, etc. Ils sont capables de vivre tout ça. Ils ont fait des milliers de kilomètres. Ils nous donnent de belles leçons. Par contre, la violence du harcèlement et la violence par le manque de propreté, de dignité humaine, c'est en 2008, c'est inacceptable. Quoi. Là, c'est vraiment scandaleux pour la France. Quoi. Et vous voyez, parce que là, Salam donc, assure des missions humanitaires en fait, ici, vous voyez la solution évoluer, comment est-ce que ça peut s'éterniser pendant des années de cette manière-là? Et ce serait quoi l'issue dans cette situation-là, quoi? Moi, je pense qu'il y a des solutions quand même. c'est ouvrir des petites antennes d'accueil, non pas des grands centres comme pouvait l'être au Sangat. La refonte de la demande d'asile, elle est complètement dépassée. Je suis désolé, la demande d'asile elle est infaisable en France pour ces gens qui sont dans la rue. C'est infaisable. Il faut peut-être apporter le droit au travail comme ça l'était avant que Chevènement le supprime. Et puis il faut aussi leur permettre de se structurer. Je pense qu'il y a peut-être une possibilité de formation. Et ça, les gouvernements européens, ils ont les compétences, ils ont la technicité, ils ont le temps d'y réfléchir. S'ils ne le font pas, c'est volontaire et c'est ça qui ne va pas. Quoi. Merci. Pas de café, rien ? Moi non. À notre tour à Paris, on apprendra que dès la mise en place de ce dispositif d'hébergement, les policiers s'étaient mis à arrêter les migrants à la sortie de la salle à 10h le matin ou bien la nuit quand ils sortaient pour aller au WC chimique. Ça fait 15 jours qu'on dit. Ça passe bien, là. So where do you come from? Afghanistan. And how long have you been in Calais? Résumé sur Indy Media Lille, de la loi de la jungle, rapport de la coordination française pour le droit d'asile sur la situation des exilés sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. De mai à juillet 2008, la coordination française pour le droit d'asile, CFDA, rassemblement d'une vingtaine d'associations françaises, a mené une enquête dans le nord-ouest de la France sur la situation des exilés. Au fur et à mesure des années, leur présence peu visible s'étend sur un territoire de plus en plus vaste. Ce sont leurs prédécesseurs qui, de 1999 à 2002, avaient été mis à l'abri dans le camp de Sangat, près de Calais. 6 ans après la fermeture, à la fin de 2002, du camp de Sangat à proximité de Calais, où se rassemblait alors la quasi-totalité des exilés, la CFDA a dû se déplacer dans 6 départements. Pas-de-Calais, Somme, Seine-Maritime, Calvados, Manche et Paris, pour parvenir à dresser un bilan de la situation de ces étrangers venus d'Afrique, du Proche-Orient et d'Asie centrale, à la recherche de sécurité et de mieux-être. Que conclure au terme des 3 mois de visite et de rencontres auprès des exilés, des militants qui les aident, de représentants des pouvoirs publics et d'agents d'organismes impliqués dans la sécurité des ports? Premièrement, les exilés sont bien plus nombreux que ne veulent l'admettre les pouvoirs publics. On peut estimer que leur effectif se situe entre 1000 à 1500, soit celui de Sangat en 2002, qui se répartissent en groupes de taille très variable à la recherche d'embarquements discrets dans des camions qui leur permettent de gagner la Grande-Bretagne ou d'autres pays d'Europe. Calais ne rassemble plus que le tiers d'entre eux. Deuxièmement, ils sont actuellement pour l'essentiel Afghans, Érythréens, Éthiopiens, Irakiens, Somaliens ou Soudanais. Par conséquent, issus de pays victimes de crises profondes et de violences, comme l'avaient été par le passé leurs prédécesseurs d'autres nationalités qui ont cessé de venir dès lors que la situation s'est peu ou prou améliorée dans leur pays. Troisièmement, la légitimité des raisons qui ont obligé ces étrangers à fuir leur pays est telle que globalement, la France et la plupart des États européens s'abstiennent de les rapatrier de force chez eux. Malgré cette compréhension des motivations de leur présence, les exilés se heurtent à quantité d'obstacles administratifs et juridiques qui les condamnent à l'irrégularité du séjour et à la misère. Quatrièmement, parmi les règles qui compliquent ou empêchent l'accès des exilés à une situation régulière, le règlement européen de Dublin s'avère particulièrement redoutable. En confiant la responsabilité exclusive de l'examen de leur demande d'asile au premier pays de l'Union européenne dans lequel leur présence a été signalée, il interdit d'une part à une très grande partie des exilés toute possibilité d'intégration dans les pays où ils souhaitent s'installer, et il les condamne d'autre part à demeurer dans ceux de la périphérie de l'Europe où, pour toutes sortes de raisons objectives, ils ne veulent pas rester. Cinquièmement, cette assignation à résidence, indifférente aux désirs et aux besoins des exilés, ouvre la voie à la désorientation d'une partie très importante d'entre eux, et à une politique de la patate chaude entre États de l'Union européenne qui se les renvoie les uns aux autres, ouvrant ainsi la voie à d'incessants va-et-vient d'exilés condamnés à une errance sans issue à travers l'Europe. Il y a plus de 20 ans que la présence des premiers exilés a été observée près de Calais. 2 décennies pendant lesquelles ont été essayées différentes politiques qui ont en commun d'éviter ce qu'il est convenu d'appeler l'appel d'air, c'est-à-dire un accueil décent des exilés, jugé propice à d'autres arrivées. Comme si la venue de ressortissants de pays marqués par des conflits armés reposait sur le niveau de confort qu'ils peuvent espérer trouver dans les pays hôtes. Évidemment, Le caractère irréaliste de cette approche a manqué son but. Faute de pouvoir endiguer leur venue, les responsables politiques ont essayé de cacher leur impuissance en dissimulant les exilés à la vue de l'opinion publique. L'ouverture du camp de Sangatte en 1999 s'inscrivait déjà dans cette philosophie. Le rapport de la CFDA montre l'ampleur de l'échec de cette politique de la mystification. Il en montre aussi les dégâts. Pour des raisons très différentes, les exilés recherchent une invisibilité maximale qui convient au pouvoir public avec, pour conséquence, une dissémination de camps furtifs tout au long du littoral de la Manche et de la mer du Nord. Dès lors que les exilés ont à peu près disparu du champ visuel, leur existence est niée ou beaucoup minorée. Leur droit à l'asile, à l'hébergement, à la santé, à une prise en charge pour les mineurs, deviennent une préoccupation très secondaire. Si les violences à l'encontre des exilés, qu'elles soient symboliques, administratives, judiciaires ou policières, ne changent rien ou presque au phénomène de l'exil, elles entraînent la France et plus généralement l'Europe dans une dérive inquiétante en matière de respect des droits fondamentaux. Lentement mais sûrement, les Calais se multiplient aux marches internes et externes de l'Europe. Patras en Grèce, les enclaves espagnoles de Melilla et de Ceuta au Maroc, les Canaries, Malte, Lampedusa et le sud de la péninsule italienne, Mayotte dans l'océan Indien, sont autant d'entonnoirs dans lesquels sont également pris au piège d'autres exilés à l'égard desquels, là encore dans un objectif de dissuasion, l'Europe n'entend pas mettre en œuvre une politique pleinement respectueuse des droits de l'homme. Rapport complet sur cfda.reseau.net. En sortant de la salle du BCMO, on s'est dirigé vers le principal marché de la ville. On y a rencontré des militants PC qui distribuent des tracts. Et on s'est arrêté pour discuter avec eux, puisqu'avant de passer à l'UMP aux dernières élections municipales, la mairie avait été tenue par les communistes, sous la houlette de Jacques Yéna. Et c'était quoi ? Non, je vais juste vous demander, c'est quoi la position du PC à Calais par rapport à la question des migrants ? Bah, nous, c'est simple. Nous, ce qu'on souhaiterait, en tant que militants PC, c'est qu'ils ont un truc décent. C'est-à-dire que l'homme, ils vivent dans les bois. C'est la spobiture qui fait. C'est toujours la chasse à l'homme. Tout le temps, c'est les CRS qui courent après. Quand il y a des militants de n'importe quel assaut, même d'un parti politique qui va les aider, tout de suite, on se fait montrer du doigt. On se fait arrêter à tous les coins de rue. Et ça, c'est dégueulasse. Alors qu'il y a, nous, on connaît des endroits où il y a des clandestins qui vivent dans un bungalow, d'un truc métallique où tu fais un froid de canard, puis qu'il y a des gosses qui sont là. Et puis il y a les parents qui lavent le linge, ils mettent le linge dehors, on voit. Bon, qu'est-ce qu'ils font les forces de l'ordre? Ils arrivent, ils gazent, ils s'en vont. C'est dégueulasse. Quand il y a eu le centre de Sangatte, il y a eu des compagnies de CRS qui ont été renvoyées chez eux. Je crois que ça doit être La Rochelle, les compagnies de perles de La Rochelle. Ouais, ça doit être ça. Ils ont été virés de Sangatte pour repartir chez eux parce que quand ils finissaient leur repas, ils donnaient leurs fruits aux gosses et tout ça. Bah, pareil, ça a été réprimandé aussi, c'est pas normal. Si moi j'ai fini un repas, je veux donner une orange à quelqu'un, je le fais quoi. Bah, eux ils ont été réprimandés, ils ont dû repartir. Bon, bah là, première. Ouais, non, c'est les plus durs qui viennent, c'est ça. Ah, c'est les coriaces. Ouais. Et la mairie PSL, elle a fait quoi pour les migrants, pour essayer de faire évoluer la situation? D'abord, quand c'était en période de froid, avant que ça devienne période de froid et puis l'autorisation de la sous-préfecture, le maire qui était là avant, lui, il ouvrait les portes d'une salle spéciale. Où c'est qu'avant, il faisait le recrutement pour les ouvriers travailler au port. Ils ont ouvert quand même quelques points d'eau. Bon, après, c'est limité. Quand le maire n'en faisait trop, il se faisait critiquer. Ouais. Voilà, vous allez créer un deuxième Sangatte, vous allez créer ici, vous allez créer là. Là, ce qui a eu de bien, entre guillemets, que le maire et puis le premier adjoint, ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des toilettes. Il n'y a que ça à peu près de bien. Puis ils ont clarifié un peu leur site, mais là maintenant il n'y a plus les fonds qui permettent. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça. Mmh. On a coupé court à la discussion du chef de section qui s'engageait sur le pouvoir d'achat et on est allé précisément vers ce bungalow en bord d'un canal portuaire, à l'extérieur duquel séchaient des habits. L'endroit était connu sous le nom de La Cabina. Il était tenu par des Africains qui avait également un squat, dans une petite maison toute proche, en bordure de la zone des ferries. Ça On parle avec un premier jeune homme. Il est érythréen. Je lui demande pourquoi il est parti d'Érythrée. Il me dit. Well, everybody knows that to live in Eritrea is too hard because of the war, and they will take you to prison, and it's difficult. That's why every person from Eritrea come out of their country. Tout le monde sait que c'est difficile de vivre en Érythrée avec la guerre, avec les emprisonnements. We took a long way from Eritrea to come here. Tous les Érythréens essaient de partir. Probably, I think, a year and a half. Il dit, ça fait un an et demi que je suis parti. Yeah, because we have to go to Sudan, then from Sudan we have to cross the Sahara desert, then come to Libya, then from there we have to cross with a boat to come to Italy, then from Italy from here. So it takes quite a long time to come here. D'abord, il faut aller au Soudan, ensuite il faut traverser le désert du Sahara, ensuite il faut aller en Libye, ensuite il faut traverser la Méditerranée sur un bateau. On arrive en Italie, une fois qu'on est en Italie, il faut arriver ici à Calais. Alors effectivement, ça prend beaucoup de temps pour venir. Et puis après, on veut aller en Angleterre. Et on espère que la vie sera meilleure là-bas. Et puis on a de la famille là-bas. Every night, I'm trying to go there and the police caught me. So that's our daily routine. Il dit, ça fait deux semaines que je suis ici. Et toutes les nuits, j'essaye de passer, mais la police m'attrape. Voilà, c'est ça le train-train quotidien ici. I mean, it's hard to walk on the roads because we don't have a. They always give us one reason that we don't have a document. They know that, but it's just if I walk, they will catch me, and for no reason they will take me, and I'll be there for 24 hours, and they will release me without short notice. And sometimes when I came from the police station, when I walk, and some other police will come and they'll take me. So sometimes it's too hard. La police nous arrête chaque fois en nous disant que c'est parce qu'on n'a pas de papier, mais ils le savent déjà. Alors ils nous emmènent au commissariat, ils nous gardent 24 heures, et puis ils nous relâchent comme ça. Et parfois, je suis à peine relâché, je suis en train de revenir à pied du commissariat, et d'autres policiers m'arrêtent. C'est trop difficile. Sometimes it's too hard to know what I don't know what they're doing because I mean it's meaningless. If I came once in the police station within a day time, why would they take me three times in a day? It's meaningless. Yeah. They knew you, so sometimes it's okay. I mean, when we try to do something, then I will accept it. But without doing nothing, it cannot be a reason that I don't have a document. Because this place is known for refugees for a long time, so maybe they might take our fingerprints once, but that's enough. Unless we didn't do any thing, I mean, bad things, it's unnecessary, and they make life difficult because the weather is hard for us. Il dit, c'est difficile de comprendre pourquoi ils font ça, parce que c'est complètement absurde, ça a aucun sens de nous arrêter trois fois dans la même journée. Le fait qu'on n'ait pas de papier, c'est pas une raison, parce qu'ils savent très bien qu'on en a pas. Alors qu'ils prennent nos empreintes digitales une fois, ok, mais c'est tout. Il dit, si on fait rien de mal, c'est vraiment pas nécessaire. Ils nous rendent juste la vie beaucoup plus difficile, alors que c'est déjà dur de vivre ici. Je lui demande s'ils arrivent tous à passer. And does everybody manage to go to England eventually, even if it takes time? Or it's a matter of time, because eventually everybody will go there, I think. It's maybe for some of us it might take a week or a day, and for some of us even. They have been here for like 6-7 months. Il me dit oui, c'est juste une question de temps. Il y en a qui restent là un jour, d'autres une semaine, d'autres 6 ou 8 mois. And nobody wants to ask asylum in France? Je lui demande s'il y a personne qui veut demander l'asile en France. I think maybe they're asking us to ask asylum here. They give us a short document last week, but I don't think most people will be very interested to live here. Can you explain that? Maybe it might. They said it might take a year and a half to process our asylum, and they are not sure to give us the paper. Even if after 1 year and a half, we might not be able to get that paper. So nobody wants to take that risk. Il me dit, oui, ils nous ont donné un petit document pour demander l'asile en France, mais je crois que personne n'a envie de rester ici. Et on nous a dit que ça peut prendre un an et demi pour obtenir la demande d'asile et que même après un an et demi, on n'est pas sûr. Alors personne ne veut prendre ce risque. Well, in this place, I think we have. I told you that we have a problem with the police running all over the place. So maybe if you can send a message for them, maybe life might be a little bit easier for us. Yeah. That's all. Thank you. Je lui demande s'il veut ajouter quelque chose. Il me dit si vous pouviez dire ce qui se passe avec la police ici, le fait qu'ils nous courent après toute la journée. Peut-être après ça nous rendrait la vie plus facile. On pensait que l'entretien était fini, mais plusieurs personnes se joignent à nous et la discussion reprend. What's your surname? Your name? Astaray. Okay. You? David. Okay. So what would you say about your situation here? Yes, the same, but I have one problem. Some points. Yes. I want to wash my body and this problem, house, it's cold now. This is problem. Je voudrais pouvoir me laver, je voudrais une maison. Et puis il fait froid. So you've been through many different countries? Ensuite, Astaray, le premier jeune homme, reprend la parole. Je lui demande comment est la situation à Calais par rapport aux autres pays qu'il a traversés. Compared to the other countries, this is a much better place to live. Yeah. I mean, from comparing to Libya and African countries, this is much better. But still, we expect, this France, so sometimes we expect Europe, a better way, good shower, yes. If there is a chance, if it's possible to take a shower, like, within 3 days, once, something like that. Il me dit, comparé aux autres pays, c'est bien mieux. C'est bien mieux comparé à la Libye. Mais on attendait autre chose de l'Europe, de la France. On attendait au moins qu'on puisse se doucher une fois tous les trois jours. I mean, we are like 20-25 in one house. We are living like that. With no electricity, no light, no heating at this time. Il dit on vit à 25 dans une petite maison, sans lumière, sans électricité, sans chauffage. Je leur demande s'ils sont partis tout seuls ou en groupe d'Érythrée. In groups, sometimes alone, then we'll meet at some point. Yeah. And yes. We'll meet at the camps in Libya, Sudan. Il me dit ça dépend des gens, mais en tout cas on se retrouve sur le chemin, on se retrouve dans les camps, en Soudan, en Libye. Je lui demande quelle image il avait de l'Europe avant de partir d'Érythrée. We imagine because we hear and see on television and things that Europe is much better. Even il me dit très différent, tout ce qu'on voyait à la télévision, c'était pas du tout comme ici. C'est pour ça que tout le monde veut venir ici. And that's why everybody wants to come here. Un autre jeune homme reprend. I passed many things from Sahara Desert, up to Mediterranean, from life risk. Yes. Then I came this area. I see dirty area. I sleep. J'ai traversé beaucoup de choses pour arriver ici. J'ai traversé le désert du Sahara. J'ai traversé la Méditerranée. Here I want to learn. I want. J'ai risqué ma vie. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est sale. Alors que moi, je viens pour apprendre. La Sarah y reprend. Je veux poursuivre mes études en Angleterre. For me, for personally, I want to be to continue my education, further education. So, I think England is much better. If they guarantee me to stay here, I have to learn the French language first for 2 years. Then I have to go to the, si je restais en France, il faudrait encore que je passe 2 ans à apprendre le français. With the time that I already spent 2 years without doing nothing, and to learn 2 years language here and study is a waste of time. So it would be much easier for me to go there. Alors que je viens déjà de passer 2 ans sans pouvoir rien faire, alors ce sera encore perdre du temps. La conversation revient sur la police. I mean. It seems like they'll be paid to catch us because they'll count us after in the car. Like when it comes when they count us on 10, then the car goes to the police station. Un sarin nous dit, on dirait qu'ils sont payés pour nous attraper, parce qu'ils comptent combien ils en ont pris à chaque fois. Then they said, go free. I know they will make our life harder, but if they let us free, then we won't be staying here, so we won't make any problem. So if, because if I stay 3-4 days in prison, then that means I'm staying more in Calais. Il dit, il ferait mieux nous laisser tranquilles, parce que plus ils nous laissent tranquilles, plus vite on s'en va. S'ils me retiennent 3-4 jours au commissariat, ben ça fait 3-4 jours de plus où je reste à Calais. Taking our names, sometimes they will take us and they will let us free. If they give us some papers so that even another police come and if so we can show him that we just came from the prison. But parfois ils prennent même pas notre nom, ils nous laissent repartir comme ça. On n'a aucun papier qui nous permettrait de prouver qu'on vient d'être arrêté et d'empêcher qu'on soit de nouveau arrêté. Maybe accidents happen because when I try to run from here, the car might hit me. They have to consider that. I have to jump fences. Il pourrait y avoir des accidents parce que quand je fuis pour éviter leur voiture, ils pourraient me renverser, ou bien quand je saute des barrières, je pourrais me blesser. Il y a des personnes qui se blessent. Seems like this. Look. Yeah, so something like that. So. Un jeune homme nous montre une blessure. Je lui demande s'il s'est fait ça à Calais. Il répond que oui. You get hurt here in Calais? Yes. Yes. Yeah. Yeah. Je lui demande s'il a des contacts avec les Français. French people here? Well, for me, I don't know anybody in France. So. Il me dit non, je connais personne ici. Do you have a lot of support from the people in Calais? Et s'ils se sont soutenus à Calais? Well, I didn't want any help from them. I didn't ask for it, so I cannot say anything about that. Why don't you want help? I mean, for the time being, once in a day, that's enough for me. So I didn't ask anybody until now. Il me dit, je leur demande rien. Je veux pas d'aide. Les bénévoles ont l'air très gentils, mais moi je veux pas d'aide. When I ask, I hope the people seems to be very friendly on their faces. Someone wants to say something? No. Where are you from? Iran. Okay. How long have you been here? Two weeks. 2 weeks? 2 weeks. Okay. 2 days. Very difficult. Wow. Very cold. And the police, no? Police, no problem. Sure? Sure. No problem, police? I don't believe you. Extrait d'un article de Nous sur le site de Dissidence Nordiste, le 20 décembre 2008. De Calais à Dunkerque, sur les rives de la Bérézina. Cette fin d'année sent très mauvais pour les exilés du littoral. On aura beau se réjouir de l'ouverture d'une salle à Calais pour leur hébergement dans le cadre du plan Grand Froid, il ne faut pas espérer que cette sollicitude se prolonge au-delà de la trêve hivernale. L'an dernier, la même salle du BCMO n'avait ouvert ses portes que quelques jours. Et personne n'osera dire que la situation a changé à Calais, car tout incite à penser au contraire que cela va de mal en pis. J'en veux pour preuve les tristes événements des 3 derniers mois. Le 22 octobre 2008 à 13h30, 250 policiers et gendarmes investissent de force les bâtiments abandonnés de l'ancienne Syrie Panier, près de la gare, qui depuis plus d'un an abritait le squat des Africains. 250 migrants en sont expulsés sans négociation. La chose était prévue et annoncée depuis plus d'une semaine. Une partie est hébergée ailleurs, beaucoup sont emmenés au centre de rétention de Coquel, les derniers se réfugient dans d'autres squats de Calais. En définitive, la grande majorité se retrouve dans la semaine qui suit, aérée sur le littoral à la recherche de lieux où dormir. Le 7 novembre 2008, des dizaines de CRS accompagnés de chiens pénètrent dans la première jungle de Calais, située dans l'enceinte de l'usine Thioxyde, pour rafler tous les exilés afghans qui s'y réfugient. Un hélicoptère survole les lieux et éclaire la zone, tandis que les journalistes et associatifs sont maintenus à l'écart, encerclés par des CRS en tenue de combat, et retenus près de 90 minutes, le temps de l'opération. Jean-Claude Lenoir de l'assaut Salam est arrêté de façon musclée et mis en garde à vue, accusé d'outrage. Du 11 au 17 novembre 2008, une menace d'expulsion pèse sur plus d'une cinquantaine d'Afghans maintenus au centre de rétention de Coquel. Il est question de les expulser en charter groupé vers l'Afghanistan, par un vol provenant de Londres et faisant escale à Lille, avant de partir pour Bakou et Kaboul. Se mettant en grève de la faim, les Afghans sont contraints de s'alimenter sous la menace de violence. Parmi eux, plus de 5 sont mineurs. Les réseaux militants se mobilisent, font des veilles autour du centre de rétention et organisent des rassemblements qui reçoivent des échos au niveau national. La Cour européenne des droits de l'homme critique la France. Au final, le ministère de l'Immigration renonce à expulser les Afghans de Kokkal, prétextant des conditions de sécurité insuffisantes. Mais l'intention d'expulser des exilés vers un pays en guerre était bien présente. Le 1er décembre 2008, le collectif Cessure met un terme à la distribution de repas du midi, s'opposant au manque d'engagement des autorités locales et protestant contre leurs faibles moyens, sans compter la fatigue grandissante des bénévoles qui ne constatent aucune évolution dans la situation des migrants, avec les mêmes conditions d'existence. Il est question un temps d'en donner la charge aux services municipaux, mais la mairie ne trouve, ou ne veut trouver, personne pour prendre le relais. S'ajoutent les luttes de pouvoir entre représentants des diverses parties. Le plus grave étant que les migrants sont désormais sans repas ni douche la journée. Le 12 décembre 2008, la salle du BCMO, située place de Norvège et appartenant au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, est mise à disposition pour accueillir les migrants durant la nuit, de 19h à 10h du matin. Le 15 décembre 2008 à 10h, les CRS encerclent la salle du BCMO et arrête des migrants qui y ont passé la nuit, tout en se moquant des humanitaires. Le 16 décembre 2008, plus de 40 policiers encerclent le campement de Loun Plage, près de Dunkerque, où s'abritent généralement près de 80 Afghans et Irakiens. Après les arrestations, les tentes et les abris de fortune sont rasés au bulldozer. Il y a peu, le campement de Grande Sainte avait été lui aussi vidé de ses occupants. Aïe, aïe. C'est dur ici. C'est dire la vérité, hein, si on chose brute. De retour à Paris, on parvient à interviewer le collectif C'est sûr, à travers Madame Delannoy, représentante de la Belle Étoile. Donc en fait, le C'est sûr est une réunion de différentes associations, 7 au total, qui œuvrent aux côtés des migrants dans différents domaines. Donc, y a le Secours catholique, il y a la Belle Étoile, mais il y a également la Ligue des droits de l'homme, il y a 7 associations qui travaillent autour des migrants avec des compétences différentes, dans l'humanitaire pour certaines, dans le juridique pour d'autres, certaines de manière quotidienne sur le terrain, enfin, voyez. Là, récemment, il y avait une mairie communiste sur Calais jusqu'aux dernières municipales, ensuite c'est une mairie UMP qui est passée, ce qui a pas mal changé la donne au niveau des associations. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ça? Enfin, c'est très compliqué ce genre de situation, parce que il est vrai que nous avions une mairie communiste qui a applaudi à deux mains à la fermeture de Sangatte, tout au moins au départ, et je pense que Sangatte c'était quelque chose qui était perturbant, mais au plus haut degré pour tout le monde, et que de manière très naïve, on a pensé que fermant Sangatte, on allait résoudre tous les problèmes. Donc il est vrai que la municipalité communiste du départ a applaudi à ça. Et puis, devant le flux de migrants qui continuait à arriver sur Calais, à y rester, et à vu les actions que nous menions, nous, autour de ces migrants, les rapports avec la municipalité se sont détendus et l'urgence humanitaire s'est fait sentir. Donc, au bout de quelques années, 5 ans, 6 ans, on avait réussi à négocier avec le maire de regrouper sur un même lieu tout ce qui avait service aux migrants. C'est-à-dire on aurait regroupé sur un même lieu les douches, les distributions de repas, etc. Ce qui aurait évité des ramassages pour les douches ou des ramassages pour d'autres choses, et qui aurait permis donc d'avoir une présence auprès des migrants beaucoup plus importante. Et changement de municipalité et programme électoral de la nouvelle maire, c'était que de toutes les façons, ce qu'elle appelle le centre d'accueil de jour, de toutes les façons, c'était non, il n'en est pas question, je m'y oppose. Donc ça, déjà, au départ, c'était un argument de campagne. Donc là-dessus, on était avertis que sa position par rapport aux migrants, elle serait sûrement pas à l'accueil et à la chaleur. Bon, donc effectivement, elle a annulé les projets dès qu'elle a été élue. Et elle a dit oui, mais bon, à la place, je vais mettre en place un conseil des migrants. Et il s'avère que très très vite, ça a mal tourné, puisque la couleur est annoncée, il n'y aura pas de centre d'accueil, vous demandez ça, ça c'est non, vous demandez ça, ça c'est non, vous demandez ça, ça c'est non. La ville de Calais, c'est sale, les Calaisiens s'en plaignent, donc si vous faites des tracts pour dire aux migrants qu'ils doivent être propres, ramasser leurs papiers, nous voulons bien payer les photocopies, nous voulons bien mettre des sacs poubelles, etc. Donc bon, donc nous on s'est dit, bon écoutez, on va pousser un gros coup de gueule avant le prochain conseil des migrants, parce que il faut qu'on soit entendu. Et en fait, le coup de gueule que nous avions posé et que nous poussons toujours d'ailleurs, c'est cette situation des migrants sur Calais n'appartient pas, il n'est pas la propriété du milieu associatif et caritatif. Les problèmes de gale, de tuberculose, c'est un problème de santé publique, c'est pas un problème du Secours catholique et de ses douches ou de la Belle Étoile et de ses repas. Les problèmes liés au froid, liés à la faim, liés au fait que les gens mangent dans des conditions assis par terre, dans des positions absolument pas normales, tout ça c'est pas un problème d'association, c'est pas un problème caritatif, c'est vraiment un problème de pouvoir public, d'autant qu'on s'aperçoit que le phénomène il dépasse Calais maintenant. Hein, on sait très bien que sur toute la côte, il y a le problème qui s'intensifie. Qu'en région parisienne, c'est pareil. Il y a de plus en plus de migrants et on entend parler de 1000 migrants quelquefois dans les jardins publics, etc. Donc, c'est à un moment donné un cri d'alarme en disant il faut absolument que les pouvoirs publics s'engagent de manière plus évidente. Et donc nous, entre autres, au niveau de la Belle Étoile, on a dit, nous, on ne peut plus si on n'est pas aidé. Parce qu'en plus, il y a eu une recrudescence des migrants en quelques mois. C'est-à-dire, on est passé de 300 migrants à des pointes de 700. Donc c'est quand même énorme. Et nous, on n'arrivait plus, tout au moins au niveau des repas chauds, on n'arrivait plus à gérer. Ça veut dire que à partir de 9h du matin, on préparait les repas. À 14h, on commençait à les distribuer et on avait une heure et demie maximum pour distribuer vite fait les repas. Après, le porte-à-cabine était fermé et nous devions repartir avec nos gamelles dans notre local pour nettoyer, etc., faire la vaisselle pour être prêt pour les fonctionnels pour le lendemain. Ce qui fait qu'en fait, c'était des journées qui étaient insoutenables dans un milieu associatif. Donc nous, quand on a commencé à sentir la montée des migrants, on a salarié une personne, hein, on a une salariée, et mais simplement, elle a un contrat d'avenir. Elle est salariée 24 heures semaine, et la pauvre, elle arrivait à des horaires qui étaient fous. Donc nous, en fait, ce qu'on demandait tout simplement, c'était que la municipalité mette le terrain au propre, c'est-à-dire qu'on retire ses flaques d'eau, on fasse en sorte que les migrants puissent être accueillis décemment. On réclame depuis des années qu'ils puissent être installés, comme dans les jardins publics, des bancs et des tables pour qu'ils puissent au moins manger assis. Et on demandait qu'éventuellement du personnel soit embauché par la mairie pour aider, pour aider aux douches ou pour aider à la préparation des repas, à la vaisselle, etc. On n'a pas pu se faire entendre. Et tout de suite, le ton est monté très très fort, et puis voilà. Et alors qu'on comptait sur le soutien, ou tout au moins l'écoute au moins, de l'autre association qui est Salam, eh ben, il s'est avéré que d'un seul coup d'un seul, on les a vus faire une alliance, je dirais ça comme ça, avec la maire de Calais. Et on n'a pas tout compris, mais enfin bon, les choses en sont là, hein. Et là, on se retrouve dans une situation, enfin, d'après ce que j'en comprends, où d'une part, ce sont les associations qui doivent assurer quasiment des missions de service public, de Absolument. Santé publique, etc. Mais d'autre part, la mairie joue un rôle pour essaye de diviser les associations, alors qu'auparavant, voilà. J'ai le sentiment qu'au moins, il n'y avait pas des dissensions comme ça, et que donc l'aide aux migrants était peut-être plus effective. Mais en fait, l'aide des migrants est très effective, elle existe pour de vrai, mais de la part des associations, je pense qu'il y a un énorme boulot qui est fait tant par les gens du CESUR que par Salam. Hein. Mais voilà, moi je continue à dire que tout ce travail-là, au bout du compte, nous on n'en démord pas, ça n'est pas au milieu associatif de faire ce genre de choses. Je vais même plus loin que ça, hein. Coluche, quand il a créé les Restos du Cœur, il avait quand même espéré que l'État prenne le relais et que ce soit pas 20 ans ou 30 ans de Restos du Cœur. Et nous, on est un peu dans le même contexte. On espère bien qu'un jour, l'État prendra en charge le problème des migrants sans que ça devienne un problème uniquement d'associations caritatives. D'autant plus que quand ça arrange l'État actuel, on nous accuse de faire l'appel d'air. Puis quand d'un seul coup, nous, on dit « Bah non, non, on le fait plus, faites-le, puisque c'est votre, ça vous appartient, ça appartient à l'État, ça appartient pas au milieu caritatif », on est montré du doigt en disant « Bon, les méchants, ils font plus ». Faut savoir, quoi, hein. Faut savoir. Et voilà, là, du coup, vous faites référence au fait que là, très récemment, pour protester contre tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est sûr, a décidé de ne plus assurer les repas du midi aux migrants. Les repas chauds. Et du coup, quelles actions vous continuez à mener pour les migrants, d'une part, et comment vous voyez évoluer la situation sur Calais, d'autre part? Nous, on a essayé de se faire entendre, on a refusé de nous écouter. La balle est plus dans notre camp, hein. À côté de ça, nous, on continue une activité. Bon, d'abord, on est toujours aussi présent auprès des migrants, hein, puisqu'on est quand même toujours présent de 14h à 17h sur le terrain. On leur distribue ce qu'on peut leur distribuer et qu'on refuse d'appeler un repas, hein, parce que c'est pas un repas, c'est un encas. On leur donne du pain, des bananes, du thé. Bon, la fois dernière, on a eu l'opportunité d'avoir du thon, on leur a donné du thon. Une fois par semaine, on distribue un kit avec du savon, des rasoirs, des choses comme ça. Encore une fois, le Secours catholique a acheté une maison dans laquelle ils peuvent installer 12 douches. Et Madame Bouchard fait appel de la décision du tribunal administratif de pouvoir ouvrir ses douches en refusant le permis de construire. Ça veut donc dire qu'elle ne veut pas que quelqu'un donne des douches aux migrants. C'est grave quand même. Comme ça, on construit l'image des migrants sales, etc. Et ben non, parce qu'elle dit que les migrants sont construits par la situation. Elle trouve que les migrants sont propres et bien nourris, et qu'il y a des Calaisiens qui sont pires qu'eux. Donc, voilà. Ceci dit, bon, du coup, les douches sont arrêtées, puisqu'il y a 4 douches, il y a 500 migrants, c'est pas gérable. He said, I talk in Pashto language with you. I don't speak Pashto. After you change in dictionary. Yes, Pashto language talking. I don't have a Pashto dictionary. This is Radio. Email d'Interlude Calais sur la liste de diffusion Z Pajol le 7 janvier 2009. Les CRS numéro 51 ont brûlé des abris sommaires. Selon les informateurs, il s'agirait du bois des Garennes, qui est une partie boisée de la jungle, appartenant à la mairie de Calais. Toujours selon les réfugiés, ce fait se serait produit la semaine dernière, alors que le froid avait provoqué la réouverture du local pour la nuit. Il y a 2 jours, des Érythréens ont été interpellés dans une rue proche de la gare et ont été laissés en pleine nature par les policiers. Ils ont mis 2 heures pour revenir au centre-ville. Le réfugié a dit que sur le chemin, il pensait qu'il allait mourir de froid. Ce soir, près du bois des Garennes, un Irakien a été arrêté sur la route. Nous questionnant sur la photo prise, les policiers nous ont assuré que le jeune homme serait au chaud à la PAF. J'ai fait remarquer qu'une fois libéré dans la nuit, il n'y aurait aucun bus pour le ramener, ce qui a débouché sur un contrôle d'identité. Et là, quand on était, nous, à Calais, ce samedi, on a, la mairie a ouvert une salle qui appartient à la région, c'est dans le cadre du plan Grand Froid. Mais à la sortie de la salle, à 10h, quand la salle a été fermée, les migrants ont été coursés par la police qui les attendait à la sortie. C'est vrai à Calais, mais c'est vrai à Dunkerque, alors que la salle, le BCMO, était ouvert par la mairie le week-end dernier. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres, c'est-à-dire à Lonne-Plage et à Gravelines, la police détruisait des squats avec des gens, voilà, elle détruisait des squats, des abris, alors qu'il y avait, il y a une ville qui ouvre une salle, il y a Stanford qui propose carrément des tentes et des abris aux personnes aux migrants, et puis, bon, en même temps, on détruit des squats et tout ça dans un rayon de même pas 100 kilomètres, quoi. Sachant que jusqu'à maintenant, quelles qu'aient été les violences policières vis-à-vis des migrants, ça n'a jamais fait baisser le nombre de migrants qui souhaitent de toute façon passer en Angleterre, qui fuient des pays en guerre, etc. Voilà, mais de toutes les façons, vous savez, quand vous parlez avec certains d'entre eux et qu'ils ont vécu les violences faites dans leur pays liées à la guerre, liées à la torture de certains, parce que certains d'entre eux ont quand même subi des violences dans leur propre pays, des tortures, des choses comme ça. Je vais vous dire, jouer au chat et à la souris avec la police, entre guillemets, c'est de bonne guerre. Et les migrants sont moins choqués que nous par rapport à ce genre de choses. Eux, ils sont là pour partir en Angleterre, ils sont là pour un voyage qu'ils veulent finir, et le danger du voyage, arrivé à Calais, ils ne sentent pas, quoi. Et pour essayer quand même de terminer sur des perspectives, quelles seraient les solutions pour arriver à une situation sur Calais qui devienne vivable pour tout le monde, quoi? Nous, ça fait des années qu'on veut provoquer une table ronde de l'ensemble des politiques pour trouver déjà un accord d'accueil. En plus, vous pensez bien que c'est pas moi, présidente de la Belle Étoile, ou Jean-Pierre Boutoil, porte-parole du CESUR, qui allons être invités à la Cour européenne pour pouvoir discuter de ça. Si des politiques prennent conscience et se mettent d'accord déjà sur un moyen de fonctionner humain, déjà dans le nord de la France et voir après sur toute la France, et après au niveau européen, qu'ils aillent porter ce combat-là, là, à mon avis, on aura avancé. Parce qu'on sait pertinemment que le problème, il n'est pas calaisien, le problème, il est européen. Et on sait très bien que c'est un problème économique, on sait très bien que c'est un problème de politique, on sait très bien ça, on en est conscient. On n'est pas non plus, et c'est pour ce qui fait toujours bondir, on n'est pas des faiseurs de soupe, et on sait faire autre chose que de la soupe. On fait de la soupe parce que les migrants ont besoin de soupe quand on peut le faire, mais à côté de ça, on a des vrais projets. Quand on voit tous ces mineurs isolés qui sont sur le territoire de Calais, il est bien évident que on se dit que plutôt que de leur envoyer de la répression policière, si on leur proposait des vraies formations, des vrais centres, des lieux où ils aient le temps de se poser, de réfléchir sur leurs droits, de faire leur deuil du voyage qu'ils ont entamé pour construire un avenir, peut-être que là, on aurait avancé. Aïe, c'est dur ici. C'est dit la vérité, hein, si on chose brute. C'était donc la deuxième partie de Calais l'exil, un documentaire sonore réalisé avec Guillaume Yom sur la situation des migrants à Calais. Cette émission sera rediffusée mercredi 11 à 10h sur FPP. Elle restera ensuite disponible avec la première partie et une documentation plus complète sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.